Bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. À la présentation, vous êtes avec Odan Daichimie. François Akimana assure la mise en onde. C'est le moment de suivre votre journal en français, dont voici les grandes articulations. Les participants au 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région demandent la cessation immédiate des hostilités à l'est de la RDC et au dialogue entre la RDC et le Rwanda. Et les cultivateurs de Kizuka, en commune et province de Lumonge, se plaignent d'une maladie qui a attaqué le manioc. Ils demandent la fourniture des semences plus résistantes aux maladies. La Régie des eaux, quant à elle, annonce à ses clients qui n'ont pas encore reçu leur compteur qu'ils vont bientôt être servis car disposant aujourd'hui d'un stock de 4 ans. Après une courte pause, les détails. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bienvenue. Les groupes armés, aussi bien locaux qu'étrangers, opérant à l'est de la République démocratique du Congo, doivent cesser immédiatement et sans condition les hostilités. C'est du moins une des recommandations issues du 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Un sommet qui a eu lieu à Bujumbura ce samedi le 6 mai. Les participants à ces assises ont également demandé à la République démocratique du Congo et au Rwanda au dialogue et à la retenue. Les conclusions et recommandations de ce sommet sont lues par Albert Shingiro, ministre burundais des Relations internationales. Nous réaffirmons notre respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, notamment l'intangibilité des frontières, de l'indépendance politique de tous les pays de la région. Exprimons notre préoccupation face aux tensions entre la RDC et la République du Rwanda et appelons à la retenue, à la désescalade et à la poursuite du dialogue entre les deux pays. Félicitons Son Excellence Monsieur João Manuel González Lourenço, président de la République d'Angola, président d'exercice de la CRGL et médiateur désigné de l'Union africaine pour le dialogue entre la RDC et la République du Rwanda et exhortons les deux pays à mettre en œuvre les décisions issues du processus de Luanda. Condamnons l'occupation par le M23 des territoires à l'intérieur de la RDC et appelons à son retrait sur les positions conformément au communiqué de Luanda du 23 novembre 2022 et les décisions du processus de Nairobi et exprimons notre préoccupation face à l'aggravation de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC depuis lors ainsi qu'à ses graves conséquences humanitaires. Nous condamnons en outre les actions des groupes armés étrangers et locaux opérant dans l'est de la RDC et les exhortons à cesser immédiatement, sans condition, les hostilités et à s'engager dans le processus de désarmement volontaire et de réintégration communautaire pour les groupes armés congolais et en ce qui concerne les groupes armés étrangers, à s'engager dans le processus de rapatriement dans leur pays d'origine. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui aussi présent à ce sommet du 6 mai à Bujumbura, dit que seul le dialogue inclusif et sincère permettra de trouver des compromis durables. Pour lui encore, toutes les parties doivent mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Antonio Guterres reconnaît que la région des Grands Lacs regorge d'énormes richesses, lesquelles richesses sont malheureusement minées par les conflits, les vols et les crise. Suivez-le. Pendant des décennies, les peuples de la région ont été victimes de pillages et de violences. La signature, il y a maintenant 10 ans, de l'accord cadre a suscité beaucoup d'espoir. Elle a marqué un tournant lors duquel les pays de la région ont pris des engagements concrets afin de mettre fin au cycle récurrent de violences, notamment dans l'Est, la RDC, et de construire une paix et une sécurité durables. Je félicite les pays signataires ainsi que les institutions garantes pour le travail accompli pour mettre en œuvre l'accord cadre. Malheureusement, la crise actuelle souligne tout le chemin qu'il reste à parcourir. Malgré nos efforts collectifs, plus d'une centaine de groupes armés congolais et étrangers opèrent aujourd'hui encore et menacent ainsi la stabilité de l'ensemble de la région des Grands Lacs. La présence de ces groupes armés, le M23, l'ADF, les FDLR, Codeco, le Red Tabara et d'autres entraînent des drames humains et des abus graves des droits humains, y compris des violences sexuelles. Elles alimentent également la méfiance et les tensions récentes entre pays de la région. En RDC, depuis la résurgence de l'M23 en novembre 2021, plus de 500 000 personnes ont dû fuir. Et la situation dans la province d'Ituri reste aussi extrêmement préoccupante. Il est temps que cesse la violence. Et je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Et j'exhorte également les responsables politiques et communautaires à en finir avec les discours de haine et d'incitation à la violence. La régie de distribution d'eau et d'électricité, Régie des eaux, dispose d'un stock suffisant des compteurs qu'elle peut distribuer à ses clients pendant 4 ans, selon la direction générale de cette société. Le directeur général de la régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, explique que les clients qui n'ont pas encore été servis vont bientôt l'être. Entre-temps, des compteurs vétustes sont en cours de remplacement. Et en ce qui concerne la pénurie du carburant, Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, explique que cette société va faire tout ce qui est possible pour faire face à la pénurie du carburant, car en l'absence du carburant, le développement ne peut être possible. Suivez-le. Nous nous rendons maintenant en province Lumonge. Les cultivateurs de Kizuka, en commune et province Lumonge, demandent la fourniture en semences plus résistantes aux maladies. Celles à leur disposition, comme les boutures de manioc, ne sont plus rentables, devenues selon ces cultivateurs vulnérables aux maladies. Dans leur campagne de sensibilisation sur la santé des plantes, les envoyés du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions conseille ces cultivateurs à se confier aux agronomes pour une éventuelle orientation. Jean-Pierre Misako. À côté des palmiers à huile, maïs, haricots et colcase, victimes des maladies au courant de leur croissance, rendant du coup médiocre leur production, le manioc, considéré comme la principale culture vivrière à Kizuka, est lui aussi attaqué par des maladies ou termites qui gênent sa croissance et réduisent sensiblement sa production, selon certains cultivateurs de Kizuka. Ils informent que même les boutures de manioc plus résistantes qui avaient été mises à leur disposition sont vieilles d'une dizaine d'années et sont par conséquent devenues vulnérables aux maladies et partant improductives. S'adressant aux envoyés du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions lors de leur campagne de sensibilisation sur la santé des plantes en province de Lumonge, ces cultivateurs demandent au gouvernement du Burundi de leur rendre disponibles de nouvelles semences plus résistantes. Par rapport à cette préoccupation, ces envoyés du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions conseille ses cultivateurs à se confier aux multiplicateurs de semences reconnus et se faire aider par les docteurs des plantes récemment formés et disponibles dans chaque commune. Pour cela, ces envoyés du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions ont mené une campagne de sensibilisation sur la santé des plantes sur plusieurs collines de la province de Lumonge du 5 au 7 mai courant. Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Nous revenons sur cette information sur la pénurie du carburant. Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, explique que cette société va tout faire pour faire face à cette pénurie, car en l'absence du carburant, le développement ne peut être possible. Suivez-le. Ubuzima bw'igihugu bwishye muri kwishyira muri jidezo twegere rero nk'ishamu rya jidezo rya leta Le pays ne peut pas se développer en l'absence du carburant, de l'eau et de l'électricité. Vous vous rendez compte que toute l'économie du pays gravite sur la société Régie des eaux, une société de l'État. Nous devons faire tout moyen possible pour faire face à cette pénurie du carburant, de l'eau et de l'électricité, même si les défis ne manquent pas. Du côté du carburant, ce n'est pas à Bujumbura, ce n'est pas facile pour arriver à Bujumbura. Mais ça fait le long trajet, plus de 3 jours. Nous allons donc les superviser. La fois passée, on a observé une pénurie de l'essence. Or, au Dar es Salaam, nous avions 10 millions de litres de l'essence, ce qui peut servir un mois, mais ce qui nous a bloqué, c'est la mauvaise communication entre l'auberge de la Tanzanie et celle du Burundi. Nous pouvons passer 5 jours sans aucun camion du carburant qui transporte de l'essence. Mais ce qui nous a étonné, le carburant de type essence n'est pas disponible, tandis que le mazout reste toujours disponible. La solution est de planifier un stock stratégique qui nous permettra d'avoir un carburant au Burundi qu'on pourra disposer au moins 2 mois. Même si ces défis qui s'observent nous perturbent pendant ces périodes de cette pénurie, le moyen financier et les devises sont disponibles. Yo stock strategique yojaho nahandi hoho twe turakora ibishoboka byose amafaranga yo kwizana arahari kandi n'amadovize no kwitura yaronke yo kwizana. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13 heures plus tôt, 7 minutes dans les studios de la radio Isanganiro. Ce journal continue dans la chronique sport. 12 équipes s'affrontent chaque année dans le championnat national Ligue A du football de sable appelé Beach Soccer en anglais. Alexis Halimenji, président de la commission chargée de ce sport au sein de la Fédération burundaise de football FFB, fait savoir que les équipes vainqueurs de ce championnat et les meilleurs joueurs reçoivent différents prix qui sont décernés par la FFB. En actualité internationale, la RDC observe une journée de deuil national ce lundi en mémoire des morts et des disparus de Bushushu dans le territoire de Kalehe au sud Kivu. Selon les officiels, environ 400 corps ont été retrouvés. Des proches des victimes sont effondrés. La société civile de Kalehe affirme que près de 4500 personnes manquent encore à l'appel, alors que les chances de retrouver les survivants s'amenuisent. Et c'est par ici que prend fin ce journal à la présentation. Vous étiez avec Odin Daïchimie, François Akimana assuré la mise en onde. Bonne suite de programme avec la radio Isanganiro. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue à l'écoute de cette actualité régionale. Débutons cette revue par la République démocratique du Congo, où le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà, 351 corps repêchés et plus de 4393 disparus. Les recherches se poursuivent, écrit l'actualité.cd. Les conséquences des inondations de jeudi dernier à Kalehe sont de plus en plus alarmantes car le bilan ne cesse de s'alourdir. Selon la société civile locale, jusqu'à ce lundi matin, ces corps ont déjà été repêchés dans les villages de Nyamukubi et Bushushu, poursuit ce journal congolais actualité.cd. En Ouganda, au moins 6 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une opération conjointe en cours entre l'UPDF et la police à Nabweru Nord, dans le district de Wakiso, après avoir été retrouvées en possession d'engins explosifs improvisés. Après avoir obtenu nos informations techniques et humaines hier soir, les forces sont venues à Nabweru et ont réussi à arrêter 4 personnes, selon le journal du Monitor. Ces personnes avaient des gagés qui fabriquent des engins explosifs improvisés, a déclaré le major Charles Kabona, porte-parole de la première division de l'UPDF, avant que deux autres suspects ne soient arrêtés quelques instants plus tard. Selon le major Kabona, les forces avaient déjà encerclé la zone ce lundi matin alors qu'elles recherchaient d'autres suspects, conclut The Monitor. Actualité régionale. En Tanzanie, l'Agence nationale de stockage des aliments a distribué plus de 75 millions de tonnes de nourriture dans 89 communes connaissant des pénuries alimentaires dans ce pays. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Agriculture, Hussein Bashe, ce lundi en présentant l'estimation des recettes et des dépenses de son ministère pour l'année 2023-2024, lit-on dans les colonnes du journal Mwananchi. Il a déclaré qu'une évaluation détaillée de la situation alimentaire et nutritionnelle a révélé qu'il y a un manque de production dans certaines zones pour la saison 2021-2022 qui a résulté des effets du changement climatique et ainsi entraîné une augmentation du prix de certaines cultures vivrières. Des combats armés et des frappes aériennes ont de nouveau éclaté dimanche dans la capitale soudanaise qui a été secouée par 4 semaines de combats malgré les derniers efforts de cesser le feu soutenus par l'Arabie saoudite et les États-Unis. Selon le journal kényan The Citizen, de multiples accords de trêve ont été déclarés et rapidement violés depuis que des combats ont éclaté entre l'armée et les forces paramilitaires dans ce pays pauvre, avec une histoire d'instabilité politique. Depuis lors, des combats acharnés ont fait au moins 700 morts pour la plupart des civils, blessé des milliers de personnes et provoqué un exode massif des ressortissants soudanais et étrangers, selon toujours le journal des Citizen. Parlons toujours du Soudan. Les combats au Soudan ont éclaté le 15 avril entre les forces loyales au chef militaire soudanais et les forces paramilitaires de soutien rapide. Selon le journal The East African, des responsables soudanais et gouvernementaux affirment que des combats risquent d'endommager l'oléoduc qui transporte le brut des champs pétrolifères à Port-Soudan en mer Rouge. Pour Djouba, le pétrole représente plus de 90% du budget de l'État et 70% du PIB. Toute perturbation signifie la condamnation d'une économie déjà en difficulté. Ainsi se referme cette revue de l'actualité régionale. Elle vous a été préparée et présentée par Moïse Misago et Raissa Liliane Inamahoro. À la prochaine. Actualité régionale.